merci beaucoup pour avoir organisé cette conférence qui me donne l'occasion de présenter des travaux qui sont en cours ou que j'ai menés ces dernières années donc dans quelques pays arabes, tout en sachant que je suis ici à Istanbul et à l'IFEA avec l'idée de réfléchir à la possibilité de peut-être développer ce thème de recherche ici en Turquie et dans les villes turques. Donc, pour commencer, pour introduire ce sujet, je pense qu'on peut partir du fait que aujourd'hui, les questions énergétiques sont devenues de plus en plus importantes dans le débat public et notamment dans les villes, dans les métropoles. On assiste à de fortes revendications, à de fortes mobilisations sur cette question de la part de différents acteurs, d'acteurs politiques, acteurs économiques, acteurs également qu'on pourrait appeler citoyens, avec chaque fois des préoccupations qui sont diverses. Alors, bien sûr, un des premiers thèmes qui semble apparaître, c'est la question du développement urbain durable. La conscience que les énergies sont polluantes, que les énergies produisent des émissions de gaz à effet de serre qui sont un problème pour le climat, devient un des arguments qui est mobilisé à la fois par des écologistes, par d'autres types d'acteurs. Et face à cela, d'ailleurs, parmi les solutions qui sont envisagées, on évoque beaucoup la thématique de la décentralisation énergétique, c'est-à-dire de dire qu'il faut rapprocher la production énergétique des villes, c'est-à-dire des lieux de consommation, afin d'éviter les pertes d'énergie en transport, mais aussi c'est l'idée de mobiliser d'autres sources d'énergie que simplement les hydrocarbures, sachant que c'est un deuxième enjeu qui apparaît de plus en plus aujourd'hui. On aurait aujourd'hui déjà dépassé ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le maximum d'extraction pétrolière que l'on peut faire en même temps. Et du coup, à un horizon qui est relativement court, on s'acheminerait vers une diminution de la production pétrolière et donc à une menace de pénurie pétrolière, donc avec des gros enjeux pour les transports en particulier, mais aussi pour d'autres domaines de la vie urbaine qui requièrent de l'énergie, comme par exemple le chauffage urbain. Et puis la question énergétique est aussi une préoccupation pour les firmes, les industries en particulier, qui ont besoin d'un accès à l'énergie fiable, à des prix prévisibles, etc. Hein? Donc il y a un certain nombre de préoccupations, et de sorte que cette question, la question énergétique dans les villes, est devenue depuis quelques années un enjeu dans la compétitivité et dans la compétition globale entre métropoles, et de plus en plus les grandes métropoles se mobilisent sur ces enjeux-là. À côté de ça, c'est aussi un enjeu social et on voit apparaître de plus en plus la question de la précarité énergétique. On entend par là le fait que pour les ménages pauvres, ils doivent consacrer une part de plus en plus importante de leurs ressources au chauffage, à la voiture ou au mode de transport. Et donc, pour, disons, garantir ou maintenir une cohésion urbaine qui est déjà largement en défaut, il faudrait aussi se préoccuper d'un moindre coût de l'énergie, de faire des économies d'énergie, etc. Bref, pour toutes ces différentes raisons, la question énergétique arrive comme un nouvel enjeu dans les politiques urbaines. Alors, ça donne lieu à, de la part des villes, la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles politiques, en particulier autour des thèmes de la promotion des énergies renouvelables ou des économies d'énergie. On voit apparaître aussi dans le vocabulaire des nouveaux projets tels que des plans climat, hein, qui visent en jouant en particulier sur les énergies, mais pas simplement sur les énergies, à diminuer l'impact climatique des activités urbaines. Bon. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans les pays émergents ou dans les pays en développement, quid de cette question énergétique et assiste-t-on à, j'allais dire, une urbanisation de ce problème ou au contraire, est-ce qu'on reste dans un problème d'énergie qui est un problème global? Donc, parmi les questions que je me suis posées, c'est quel type de prise de conscience assiste-t-on? Quels sont les enjeux sociaux et politiques qui se manifestent dans les villes autour des questions d'énergie? Quels sont les outils éventuellement et quelle est la légitimité des approches de type occidental, c'est-à-dire souvent avec un fort contenu technique, aussi une forte approche commerciale ou marchande? Comment ces outils et ces contenus sont-ils transférés, transposés, adoptés par les autorités politiques locales? Et aujourd'hui finalement, est-ce que on a véritablement une localisation ou une territorialisation de ces politiques énergétiques, ou est-ce qu'on reste à des logiques qui sont plutôt nationales? Sachant qu'au niveau national, le champ énergétique est fortement recomposé par des logiques libérales, donc visant à développer des logiques de marché à travers le recours à la privatisation ou de la thématique de la vérité des prix et de la fin des subventions. Alors, plus particulièrement dans les pays arabes, le contexte est spécifique, notamment parce que certains pays arabes sont de très forts, de très gros producteurs de pétrole, ce qui veut dire que pour eux, le coût de l'énergie est très bas, et ils ont fait de cette rente un élément très important de leur légitimité en redistribuant une partie des produits de cette rente en direction de leurs citoyens. Par contre, il y a d'autres pays arabes qui sont, comme la plupart des autres pays du monde, des pays dépendants en pétrole, et eux ressentent fortement l'augmentation du prix du pétrole. Un autre élément qui est intéressant à prendre en considération s'agissant des pays arabes, c'est que dans la plupart d'entre eux, on a une forte tradition de centralisation politique, ce qui veut dire que, en particulier au niveau des villes, les autorités urbaines, locales, les municipalités, soit n'existent pas, c'est le cas en Égypte, soit ont très peu de force et de capacité, disons, d'action politique. Alors, pour aborder ces différentes questions, je vais vous parler principalement de trois pays qui sont ceux dans lesquels j'ai fait des enquêtes et des travaux, hein, le Liban, la Jordanie et la Tunisie. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas eu la chance de travailler dans des pays producteurs de pétrole pour, disons, varier un petit peu le regard. Et puis, mais bon, je vais en parler un petit peu quand même. Alors d'autre part, cet exposé sera surtout centré sur ce qu'on peut appeler le secteur bâtiment, l'énergie pour le secteur résidentiel et commercial, et non pas la dimension transport. Alors, une des thématiques qu'on peut essayer de se poser, c'est, même si c'est un petit peu exagéré, dans le contexte actuel où on voit tous ces soulèvements qui ont touché plusieurs pays arabes, est-ce que ces questions énergétiques ont une part dans ces révolutions arabes? Il me semble que ça n'est pas complètement négligeable, même si ce n'est évidemment pas les principaux facteurs. Alors, je propose d'aborder tout cela en quatre points. En premier lieu, de rappeler ce qui est un peu une évidence, hein, mais que l'énergie, c'est un symbole du développement, et en particulier l'électricité, c'est un symbole du développement. Donc, je vais donner un certain nombre d'éléments qui permettent de revenir à la fois sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan politique, sur les implications de cette idée que l'énergie est un des symboles du développement. Puis j'aborderai, dans un deuxième point, un certain nombre de tensions qui sont apparues depuis quelques années, en essayant de dessiner les contours d'une géopolitique et de ce que j'appelle aussi une micropolitique des coupures d'électricité, qui apparaît comme un thème vraiment important dans beaucoup de pays arabes. J'envisagerai ensuite les modalités de solutions qui sont prônées face à ces problèmes électriques et en particulier donc la mise en place de réformes d'inspiration libérale. Puis j'essaierai de voir comment ces réformes se traduisent à l'intérieur des villes ou à l'échelle des villes. Alors, l'électricité, on parle toujours de la fée électricité. C'est un petit peu ça l'idée. L'électricité, c'est l'outil, le symbole du développement. Et dans les pays arabes, qui ont accédé à l'indépendance à partir de la fin des années 30, début des années, dans les années 40 ou 50, eh bien, c'est l'État qui a été dépositaire hein, l'acteur majeur des indépendances à travers les luttes d'indépendance nationale, et c'est les nouveaux États en construction qui ont voulu devenir les acteurs principaux du développement, et dans ces politiques de développement, l'électrification a toujours eu une part très très importante. Alors, ça a conduit, dans un premier temps, à marginaliser les acteurs privés qui avaient été à l'origine du développement du secteur électrique dans pratiquement tous les pays de la région. Très souvent, ces acteurs privés avaient développé des petites turbines, soit sur des rivières ou des petits fleuves, soit des petites usines diesel, et ils desservaient une ville. Il n'y avait pas du tout d'intégration nationale de ces réseaux. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que ça a commencé en Europe, l'électrification. Mais c'est clair que les villes étaient des marchés et les campagnes n'en étaient pas. Donc, il était très difficile de continuer à travailler avec des acteurs privés au moment où l'État se voulait le porteur de l'idée de développement et voulait intégrer les campagnes dans des États-nations en formation, et ces États-nations en formation devront être aussi des marchés. Dans tous ces pays, on a eu une vague de nationalisation qui a été souvent totale ou quasi-totale, et des entreprises publiques ou des administrations publiques de l'électricité sont apparues et ont piloté la mise en place de l'électrification dans tous ces pays. Donc, de fait, l'électricité, c'est devenu une prérogative nationale. Prérogative nationale et avec un objectif politique national qui était très fort, qui se marquait en général avec l'idée d'un prix unique sur le territoire national, c'est-à-dire que quels que soient les coûts de production réels, qui étaient différents entre les villes et les campagnes, un prix unique a été imposé, ce qui revenait d'une certaine manière à subventionner par le budget national, mais aussi par les consommateurs des villes, les développements de l'électricité dans les campagnes ou dans les extrémités des territoires. Ça permettait aussi, évidemment, de rendre possible le développement industriel, et notamment en dehors des capitales ou des grandes villes, c'est-à-dire que cela participait vraiment d'une politique d'aménagement du territoire qui était très volontariste à cette époque. Alors, parmi, on va dire, les réalisations les plus symboliques, on peut penser à des réalisations comme le barrage d'Assouan ou le barrage sur le lac Assad en Syrie, qui étaient à la fois des outils d'irrigation, donc de développement rural, mais aussi des machines à produire de l'électricité et donc à alimenter les villes, mais à alimenter aussi l'industrie. Donc, il y a eu à travers l'électrification, finalement, une complexité et une intégration de différents volets politiques, mais au service d'un projet politique qui était la construction nationale dans ces différents pays. Et d'ailleurs, il faut insister sur le fait que c'était des constructions nationales, chacune qui était auto-centrée. Il n'était pas du tout question à cette époque-là de faire un marché d'électricité entre les pays, avec des échanges entre les pays. Donc, l'État et les politiques d'intégration nationale qui se reflètent aussi à travers un certain nombre d'images et à travers, avec l'électricité, l'image, c'est très important. Alors, on peut le voir ici à travers, par exemple, ce bâtiment qui est le bâtiment de l'électricité du Liban, qui a été construit dans les années 60, au moment même où l'État libanais menait justement cette politique d'intégration nationale, de nationalisation du secteur électrique, et il confie à ce moment-là à un architecte qui s'appelle Pierre Nema la tâche de construire le siège de l'électricité du Liban. Donc on a une sorte d'énorme barre qui est construite, et dans un style architectural qui emprunte beaucoup, en fait, à l'architecture brésilienne de l'époque, notamment, alors ça se voit surtout dans les détails, et pas sur cette face-là, mais plutôt sur l'autre face, parce que l'architecte a conçu des pare-soleils, et qui étaient directement inspirés des travaux et des projets architecturaux de Niemeyer au Brésil. Donc, c'est intéressant parce que on adopte un style moderniste pour un des bâtiments les plus emblématiques de l'action de l'État à cette époque. En même temps, on s'inspire non pas de l'Occident, en tout cas pas directement, mais du Brésil, un autre pays en développement, hein, il y a vraiment cette idée de construire l'image d'un État développeur. Et puis, en contrepoint, l'électricité, ben, c'est la fée électricité, c'est la Beirut by night, et donc le développement d'une artère très connue dans le Beyrouth des années 70, la rue Hamra, qui est une rue illuminée par des néons, où là aussi on joue, on met en avant finalement un nouveau mode de vie grâce à l'électricité, qui fait de Beyrouth le petit Paris ou une petite Suisse. Bref, c'est une manière aussi d'offrir une autre image du développement qui fait en l'occurrence de Beyrouth une sorte de destination touristique très, très prisée à cette époque. Alors, au-delà de ces symboles, ce sont aussi l'électrification, tout un tas de changements dans les pratiques quotidiennes en particulier. Alors, à titre simplement illustratif, quelques statistiques qui illustrent l'équipement des ménages. C'est des statistiques qui datent du début des années 2000 ou du milieu des années 2000. Donc, aujourd'hui, on voit que au Liban, pratiquement tous les ménages ont la télévision, tous les ménages ont un réfrigérateur, ce qui est peut-être encore plus parlant. 9 ménages sur 10 ont un fer à repasser. Des machines à laver sont aussi très présentes, un peu plus en Jordanie qu'au Liban, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, en tout cas, ça veut dire que c'est diffusé sur le territoire national un mode de vie et un mode de consommation qui, au départ, était un mode de vie urbain, un mode de vie plutôt de, on va dire, des classes moyennes. Mais on voit qu'il touche aujourd'hui l'essentiel, la plus grande part de ces sociétés, qui sont donc complètement dépendantes de l'électricité pour leur vie quotidienne. Alors, un autre symbole, même si en réalité l'équipement n'atteint pas le même degré, c'est l'air conditionné, qui aujourd'hui est présent sur de nombreuses façades, pour de nombreux ménages. Accéder à l'air conditionné, c'est une marque très claire d'amélioration du confort. Et donc, ça aussi, ça demande évidemment d'énergie, un grand accès à l'électricité. Hein, donc, du coup, ces pays sont aujourd'hui dans une logique de soif d'énergie, ils ont besoin d'électricité. Alors là, on a quelques statistiques qui nous montrent la croissance constante de la production énergétique ou de la consommation énergétique dans les pays du Moyen-Orient. Une très forte croissance. Encore plus forte quand on considère ici, vous voyez, l'électricité. Donc, on a des taux de croissance qui sont impressionnants du point de vue de la consommation électrique, mais le problème, c'est que la production, l'offre, n'arrive pas tout à fait à suivre la demande. Et donc, en fait, dans un certain nombre de pays, même dans pratiquement tous les pays, aujourd'hui, ce décalage entre l'offre et la demande conduit à des coupures d'électricité qui deviennent de plus en plus chroniques et qui, évidemment, constituent une gêne considérable pour les habitants dans leur vie quotidienne, pour les entreprises dans leur activité économique, et même devient un problème politique, voire géopolitique, à l'intérieur des États ou entre plusieurs États. Donc, ce que je voudrais voir maintenant, c'est justement comment ces enjeux politiques, comment des enjeux politiques se structurent autour de la question des coupures électriques et qu'est-ce que ces coupures nous donnent à voir aussi du fonctionnement politique local et y compris dans les villes, à l'échelle des villes. Alors, je vais surtout insister sur le premier point avec trois exemples, hein, les États sous tension géopolitique, mais parce que c'est là que ces coupures sont les plus flagrantes, les plus fortes et les plus perturbatrices de la vie quotidienne, et c'est là aussi où on assiste à des conflits forts. Mais je voudrais souligner tout de suite que d'autres sociétés qui sont en paix, qui ne sont pas marquées par des conflits civils ou extérieurs, comme le Liban, la Palestine ou l'Irak, connaissent également des coupures chroniques. Hein. Et j'en ai fait le relevé depuis 2 ans, et en particulier au moment de l'été, c'est-à-dire au moment où la consommation avec l'air conditionné est la plus forte, mais aussi c'est aussi souvent des moments où il y a des retours d'immigration, bon, il y a un peu plus de population, ces moments, ces sociétés connaissent des coupures électriques très très fortes. Et c'est vrai non seulement de pays qui sont pas toujours très, qui sont connus pour avoir des problèmes d'organisation interne comme l'Égypte ou la Syrie, mais de manière plus étonnante, les pays du Golfe, Dubaï, Abu Dhabi, Arabie Saoudite, connaissent aussi de manière très régulière des gros accidents, des gros blackouts qui peuvent durer plusieurs jours et qui sont extrêmement perturbateurs et qui font que même à Abu Dhabi ou dans les pays du Golfe, un certain nombre d'entreprises ou d'émigrés, d'expatriés remettent en cause leur présence sur place. Donc ça fait à chaque fois les titres des journaux et ça pose évidemment des problèmes aussi d'organisation de la vie quotidienne, puisque c'est le moment où il fait le plus chaud et où non seulement les gens ont besoin de climatisation, ça à la limite. Mais surtout, ils ont besoin de réfrigération pour les aliments, donc ça perturbe la chaîne alimentaire, etc. Donc il y a des gros problèmes qui se passent. Alors, quelques exemples donc de micropolitique ou de géopolitique de l'électricité. Tout d'abord, en Irak. Alors, il faut savoir qu'avant l'invasion de l'Irak en 2003 par les Américains, l'électricité était répartie très inégalement sur le territoire national. Bagdad, donc Bagdad c'est en blanc sur cette courbe, avait 20 heures d'électricité par jour. Par contre, la moyenne pour le reste du pays, c'était 5 à 6 heures d'alimentation en électricité par jour. Alors, les Américains sont arrivés et le problème c'est que l'invasion américaine s'est traduite par des destructions très importantes sur les infrastructures, notamment concernant le transport de pétrole. Également des centrales électriques ont été visées. Du coup, l'outil de production électrique a été largement entamé. Et alors, ce qui s'est passé, en plus, c'est que la guérilla qui s'est mise en place contre les Américains, surtout à partir de 2006, a aussi visé assez systématiquement les infrastructures électriques. Alors, tout ça a conduit à globalement un gros problème pour alimenter le pays. Et puis, on a aussi constaté que la capitale est devenue, Bagdad est devenue nettement sous-alimentée par rapport au reste du pays, vous voyez, avec des écarts de plusieurs heures par jour. Alors là, on a, sur cette carte-là, on a les étapes de ce renversement hein, et de cette, on va dire, punition de Bagdad. Et en fait, ça se comprend comment ? Ben, c'est le fait que les centrales électriques du pays sont situées soit plutôt du côté du Kurdistan, soit sont basées, sont proches des champs de pétrole du sud dans la partie chiite, et il semblerait que les guérillas locales aient bloqué la transmission de l'électricité vers Bagdad pour favoriser la consommation électrique dans leur région. Donc, on voit bien comment le conflit interne à l'Irak, sur des bases géographiques et confessionnelles, et ethniques, s'est greffé sur cette question électrique et a instrumentalisé la question électrique dans le sens des rapports de force sur place. Et du coup, Bagdad et les habitants de Bagdad ont particulièrement souffert de cette situation, surtout qu'ils étaient habitués à avoir une situation inverse, c'est-à-dire aussi que leur équipement électrique, etc., était généralement plus développé que dans les autres régions. Du coup, on a un premier exemple là de la manière dont l'électricité devient un enjeu du conflit politique. Pas le seul enjeu, bien sûr, mais c'est un des enjeux importants dans le conflit politique en Irak. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup évolué parce que la production électrique en Irak reste notoirement insuffisante. Par contre, je ne sais pas exactement où en est aujourd'hui la répartition entre Bagdad et les provinces. Je n'ai pas eu accès à des statistiques plus récentes. Alors, un deuxième exemple qui illustre aussi la manière dont des conflits politiques utilisent les problèmes d'alimentation électrique, c'est le cas des territoires palestiniens. Alors, il faut savoir que les territoires palestiniens ne disposent que de très peu de capacités de production. Ils ont une usine électrique qui est basée à Gaza, ici. Et par contre, même pour Gaza, cette usine, même si elle marchait à fond, elle ne pourrait pas alimenter tout Gaza, et donc évidemment elle n'alimente pas le reste des territoires palestiniens, qui eux sont alimentés par Israël, et maintenant de plus en plus par la Jordanie aussi. Alors, le problème c'est que dans le contexte que vous connaissez, raison de rapports de force, de tensions chroniques entre Israël et les différentes forces palestiniennes, et en particulier depuis quelques années à Gaza avec la prise de pouvoir par le Hamas, une situation de blocus très importante, le blocus se caractérise en particulier par l'utilisation de l'électricité, c'est-à-dire la fermeture des interrupteurs ou des transformateurs qui acheminent l'électricité d'Israël dans les territoires occupés. Alors, ça a été particulièrement fort et violent à Gaza en 2008, mais cela reste le cas également dans les territoires palestiniens. Surtout que, ce qu'il faut dire, c'est que l'électricité est acheminée vers les villes, vers les municipalités qui sont les opérateurs de la distribution électrique. Or, ces municipalités ne payent pas toutes les factures à Israël, pour des raisons diverses, entre autres parce qu'elles-mêmes ont du mal à récupérer toutes les factures d'électricité, donc leurs recettes ne couvrent pas complètement leurs dépenses, donc elles tardent à payer à Israël. Alors du coup, ce que fait Israël, c'est que Israël punit, globalement, ces régions en coupant de temps en temps l'électricité, notamment en contexte de tensions politiques, mais aussi Israël récupère les sommes non payées par les municipalités sur le budget qu'elle doit à l'autorité palestinienne, notamment les taxes douanières qu'elle perçoit et qu'elle doit normalement reverser à l'autorité palestinienne. Donc on voit que c'est non seulement un problème politique, mais ça devient aussi un problème économique et financier dans les relations entre Israël et les différents acteurs de la société palestinienne. Troisième exemple, c'est le Liban et ses coupures d'électricité qui sont très importantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre civile libanaise, donc entre 1975 et 1990, le Liban a connu... un effondrement complet de sa production électrique, d'une part parce que de toute façon la population a beaucoup augmenté, donc on ne pouvait plus desservir, il n'y avait plus assez de capacité pour desservir toute la population, d'autre part les destructions sur les réseaux, le manque d'entretien des usines avaient conduit donc à ce qu'on se retrouve en 1990 avec 6 heures d'électricité par jour au niveau national. Alors dans les années de reconstruction, ça a tant bien que mal progressivement réaugmenté. Et puis, en 2004, on atteignait, en 2004-2005, on atteignait une durée moyenne de 21 heures pour le pays, mais relativement inégalement répartie. Quand on regarde le tableau en dessous, vous voyez que Beyrouth recevait pratiquement 24 heures d'électricité par jour. Par contre, dans les autres régions, on pouvait avoir jusqu'à 5 heures de coupure. Donc il y avait une inégalité très nette entre Beyrouth et les autres régions. Et le gouvernement disait, nous privilégions Beyrouth parce que c'est la capitale, c'est là que sont les administrations, c'est là que sont aussi toutes les forces économiques, donc c'est normal de privilégier Beyrouth dans ce cadre-là. Mais donc on voit que la pénurie était inégalement répartie en fait, et potentiellement, on va le voir, devenait un enjeu politique et de contestation. En fait, capitale, Beyrouth, c'était aussi une ville sunnite. C'est le fief, à l'époque, donc, Rafik Hariri était au pouvoir. C'était sa clientèle politique qui était à Beyrouth. Donc ça avantageait quand même une certaine catégorie de la population, plutôt aisée d'ailleurs, en comparaison du reste du pays. Alors, surtout ce qui s'est passé depuis, c'est en 2006, il y a eu une guerre. Et la guerre de 2006 au Liban a fortement touché la capacité de production électrique. Et du coup, le niveau d'alimentation a encore baissé. Et du coup, on constate qu'aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes chiffres qu'en 2008, Beyrouth est coupé 3 heures par jour, mais les autres régions peuvent être coupées jusqu'à 10 heures par jour, quotidiennement. Et puis bon, ça c'est des moyennes régionales, il y a parfois des villages, des villes qui ont encore moins d'électricité. Donc, les inégalités de répartition d'accès à l'électricité sur le territoire national sont devenues de plus en plus fortes et constituent un problème de plus en plus important. Alors, face à ce problème, les Libanais ont appris, et depuis longtemps, à se débrouiller en développant tout un tas de palliatifs, et notamment c'est ce qu'on appelle des générateurs ou des petits moteurs diesel qui turbinent et qui produisent de l'électricité. Électricité qui est ensuite amenée, vous voyez, par des fils qui passent un peu partout dans la ville, comme ça, là, vous les voyez là, comme ça. et qui alimente les maisons. Alors vous voyez, ça alimente ici des disjoncteurs. Donc les gens ont un disjoncteur de 5 ampères, de 10 ampères, et du coup ils ont un courant continu qui arrive en continu, et dans ce cas-là, ils ne payent plus à la consommation, ils payent juste, c'est un droit de tirage. Donc c'est plus du tout le même mode de facturation, c'est un forfait en quelque sorte. Mais un forfait avec une quantité limitée d'électricité. En gros, 10 ampères, ça vous permet d'avoir un frigidaire, une télé allumée, quelques lampes, mais vous ne pouvez pas mettre une climatisation, par exemple. On constate aussi, dans ce contexte, le développement de panneaux solaires, même si les Libanais ne sont pas les plus, friands de ce type de technologie, qui est par contre très développée, par exemple, dans les territoires palestiniens ou dans d'autres régions. Je reviendrai après sur la question des panneaux solaires, mais on voit que ça fait partie des éléments des palliatifs. Alors, je profite de cette photo là qui est. Ma souris, voilà. On voit sur le toit de cet immeuble, ici pris dans la ville de Zahle, dans la Deka, dans la partie centrale du Liban, non seulement des panneaux solaires, mais également tout un tas de bidons et de réservoirs d'eau. Et en fait, bon, non seulement il y a pénurie d'électricité, mais il y a aussi pénurie d'eau. L'eau n'arrive qu'un jour par semaine ou deux jours par semaine. Donc quand elle arrive, tout le monde se dépêche de faire monter l'eau sur le toit pour pouvoir en garder une grande quantité pour les jours où il n'y aura pas d'eau. Et comment on fait monter l'eau sur le toit? Il faut des pompes électriques. Alors vous comprenez que ça rend l'usage de l'électricité d'autant plus stratégique, et ça oblige les gens à faire des efforts financiers pour pouvoir alimenter aussi leur générateur. Ceci représente un coût très important pour les ménages qui se plaignent, d'une certaine manière, de devoir payer deux factures d'électricité. La facture normale et la facture du générateur, qui peut, dans certains cas, être assez importante. Donc ça pèse aussi sur... cette facture d'électricité, elle pèse par... Cette deuxième facture d'électricité, elle pèse particulièrement sur les ménages les plus pauvres. Des calculs ont été faits qui montrent que, effectivement, la part consacrée à l'électricité dans le budget des ménages est beaucoup plus importante pour les ménages les plus pauvres que pour les plus aisés. Alors du coup, tous ces problèmes s'additionnent et conduisent à faire de l'électricité un grand problème libanais aujourd'hui. Tout d'abord parce que non seulement cette entreprise d'électricité EDL, l'électricité du Liban, produit pas assez d'électricité, mais en plus elle a un déficit qui est absolument énorme et qui vient augmenter le déficit public libanais, donc ça représente à peu près un tiers du déficit public libanais. Alors, c'est évidemment très important, et les gens ont donc non seulement l'impression de payer deux factures, mais en plus d'avoir une sorte de facture différée qui les attendra ou qui attendra leurs enfants dans quelques années. Alors, cette dette d'ailleurs de l'électricité du Liban, elle est en partie liée à la fraude, au fait qu'un certain nombre de gens se connectent illégalement à l'électricité sans payer leurs factures, mais c'est aussi lié au fait que les prix de l'électricité n'ont pas bougé depuis 1994, alors que les prix du pétrole, et donc les prix de la matière première de l'électricité, ont par contre fortement augmenté. Mais en fait, dans le contexte actuel, comme l'électricité est déjà très insuffisante, le gouvernement n'ose pas augmenter les prix de l'électricité parce qu'il risque de se faire taper dessus. Et donc il y a une sorte de situation figée qui est vraiment tout à fait dramatique pour le pays. Alors, d'autre part, comme ce prix d'électricité il est resté trop bas, d'une certaine manière, ça avantage ceux qui ont accès à ce courant la plupart du temps. Et donc les habitants de Beyrouth, qui sont les plus riches, et qui ont accès à l'électricité presque 24 heures sur 24, maintenant 21 heures sur 24, payent un prix très subventionné pour cette électricité. Alors que les autres, qui n'ont pas l'accès à l'électricité la plupart du temps, en fait, eux, ils bénéficient beaucoup moins de ces subventions à l'électricité. Donc c'est pour ça que je parle ici d'une redistribution inversée en faveur des gens de Beyrouth, qui sont plutôt les plus riches. Alors, évidemment, du coup, dans ce contexte, le débat politique se structure autour des fraudeurs qui pénalisent le pays. On dit que les fraudeurs sont des chiites. les études qu'on peut faire là-dessus sont très difficiles, c'est très délicat comme question, mais il semblerait que la fraude est assez bien répartie et qu'il y ait beaucoup de, comme l'a dit un jour un ingénieur de l'électricité du Liban, il y a beaucoup de petits fretins chez les chiites, mais il y a beaucoup aussi, il y a des gros voleurs chez les chrétiens, c'est dit, notamment, il citait le cas d'usines, de pâtisseries industrielles qui ne payaient pas leurs factures. Bon, donc, ce qu'on voit, c'est que dans un contexte qui est marqué évidemment par des forts problèmes confessionnels, eh bien, le débat public tend à se structurer là-dessus et à justement réutiliser à chaque fois, à confessionnaliser ces problèmes d'électricité. Alors, ça devient aussi un thème de conflit, et même de conflit violent. En 2008, il y a eu une émeute qui a dégénéré, il y a eu plusieurs morts, et une émeute qui portait sur les questions électriques. Et puis, il y a aussi des conflits qui apparaissent au niveau local, comme on va le voir, avec la manière de gérer ces générateurs. Alors, cette caricature est assez intéressante, parce qu'elle montre un pays qui s'éclaire à la bougie, et qui en même temps est en train de se consumer et de disparaître. Donc la thématique de l'absence d'électricité, c'est aussi d'une certaine manière le renversement et ça va à l'encontre du rêve d'unité nationale qui avait été promu au contraire dans les années 60. Voilà, alors j'en viens à mon troisième point, des nouvelles politiques publiques pour gérer ces problèmes dans les différents pays arabes, de pénurie, d'électricité insuffisante. Alors, quelles sont ces nouvelles politiques publiques? Bien, tout d'abord, sur le plan technique, c'est l'idée d'aller mobiliser de nouvelles ressources. Donc, on va essayer de diversifier les sources d'approvisionnement, notamment en développant très fortement le gaz naturel. Ça se voyait très bien sur les différentes diapositives que j'avais montrées un peu avant, là. On voit la part accrue qui est prise par le gaz dans la production électrique au détriment du pétrole qui... devient maintenant minoritaire. Donc, gaz naturel, mais aussi en Jordanie, on va chercher à développer les schistes bitumineux. Vous savez, ce sont ces roches qui sont en quelque sorte pleines de pétrole, et que lorsque le prix du pétrole atteint un certain prix, on peut, par une technique de centrifugation, extraire du pétrole, mais c'est une technologie qui est très polluante. Et le fait que la Jordanie soit obligée de recourir à ce projet-là montre que, face à la pénurie énergétique, on est prêt à aller dans des directions qui sont pas du tout, qui ne protègent pas du tout l'environnement. On envisage aussi de développer le nucléaire. Un certain nombre de pays sont très avancés dans leurs études pour développer le nucléaire, notamment la Jordanie, l'Égypte, même si ça pose beaucoup de questions, à la fois en termes, politiques, de sécurité, de formation personnelle et financier, parce que ça coûte très très cher, évidemment, de mettre en place des énergies nucléaires. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur cette stratégie nucléaire. On développe aussi des interconnexions électriques et gazières entre les pays. C'est parti de ces stratégies. Et puis, on parle aussi d'énergie renouvelable, d'économie d'énergie. Mais cela ne représente, dans les différents plans de mobilisation de l'énergie, que des parts minimes, en général 10 à 15%, à partir d'un état actuel qui est de 1 à 2%. Hein. Donc, certes, ça représenterait de très fortes avancées, mais ça resterait minoritaire de toute façon. Et puis aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est les grandes difficultés de développer ces ressources. La Jordanie, par exemple, essaye depuis 2 ans maintenant de passer un appel d'offres avec des entreprises privées pour développer des éoliennes, mais ça bute sur le problème de la rémunération de ces entreprises privées et donc derrière du prix de revient, du coût de revient de l'énergie éolienne. Et on a les mêmes problèmes avec l'énergie solaire. Aujourd'hui, ces technologies ne permettent pas d'obtenir des prix qui sont compétitifs avec les prix de l'électricité issue des hydrocarbures, surtout que les subventions restent encore assez importantes. Donc, les États craignent de devoir s'endetter encore plus pour financer les énergies renouvelables. On crée aussi de nouvelles institutions, comme en Tunisie, l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie, En Jordanie, il y a aussi plusieurs institutions qui sont créées pour ça. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la manière dont ces institutions travaillent. L'autre grand volet dans ces nouvelles politiques publiques, c'est une politique de libéralisation et de privatisation, donc une politique néolibérale, qui passe tout d'abord par la désintégration verticale des sociétés nationales. Hein, alors, cette diapositive, c'était pour vous montrer les sources de la production énergétique et électrique en particulier. Et avec, vous voyez, la part de plus en plus importante que prend le gaz dans certains pays, comme la Syrie ou la Jordanie. Mais d'autres pays restent encore abonnés à d'autres sources de production, comme Israël. Ils ont beaucoup, beaucoup de charbon. Les territoires palestiniens, ils reposent essentiellement sur l'importation. L'Irak, c'est le pétrole. Le Liban, c'est aussi le pétrole, mais un pétrole importé. Voilà. Alors, je reviens donc sur la question de l'organisation, la nouvelle organisation du secteur électrique, en particulier avec ce qu'on pourrait appeler la désintégration verticale, et c'est-à-dire le fait que les entreprises qui étaient autrefois intégrées, ici c'est le cas des entreprises en Jordanie, sont coupées en filiales, une filiale pour la production électrique, une filiale pour la transmission à l'échelle nationale, c'est le réseau, et puis une filiale pour la distribution qui concerne certaines régions. Par ailleurs, il y a d'autres filiales, d'autres entreprises de distribution qui étaient restées dans le secteur privé. Donc on coupe ces entreprises nationales en morceaux, en se disant que chacune d'entre elles va être forcée de faire des gains de productivité. Ça va permettre de mieux identifier les secteurs qui bénéficient de subventions. En l'occurrence, c'est la transmission qui, dans la théorie économique de l'électricité, doit bénéficier des subventions. On va pouvoir privatiser le secteur de la production électrique assez facilement, en garantissant des prix aux acteurs privés. Et puis, on va aussi pouvoir faire des accords, des délégations de services publics pour ce qui concerne la distribution. Donc, on voit comment s'organise un nouveau schéma. Et puis, dans le même temps, il faut également limiter les subventions et augmenter les tarifs. Donc là aussi, dans l'exemple de la Jordanie, on peut voir des augmentations de tarifs qui se sont produites ces dernières années. Par exemple, ici, il y a un tableau qui montre ça. Alors, on voit qu'on a essayé de ne pas trop augmenter le tarif de la première tranche électrique, qui est considéré comme le tarif social. Par contre, on a fortement augmenté les autres niveaux les autres tranches de l'électricité et les abonnés industriels, ou etc., y compris d'ailleurs des choses qui étaient gratuites comme l'éclairage public, qui pendant longtemps était gratuit, les municipalités ne le payaient pas, devient désormais payant. Donc voilà la stratégie d'augmentation de prix. Alors, par rapport à cela, quels sont les enjeux par rapport à ces nouvelles orientations de politique publique, quels sont les enjeux qui émergent? Alors, un premier point qui est très important à étudier, c'est comment se positionne l'État face au secteur privé. Alors, pour illustrer cela, je pense qu'il est assez intéressant de parler de M. Rifai, qui a été en 2007 ou 2006 le PDG d'une compagnie qui s'appelle Jordan Dubai Capital. Jordan Dubai Capital, c'est une entreprise, une holding financière détenue principalement par des capitaux émiriens de Dubaï, donc, mais qui a vocation à investir dans un certain nombre de projets en Jordanie. Alors, parmi ces projets en Jordanie, on va retrouver toutes les entreprises d'électricité qui ont été privatisées, toutes les filiales, finalement, directement ou indirectement, pas toujours à 100%, mais c'est toujours Jordan Dubai Capital qui a acheté et qui s'est retrouvé propriétaire de toutes ces entreprises. Alors, c'est un peu étonnant comme approche de libéralisation du marché, puisque finalement, on passe d'un marché qui était organisé finalement comme un monopole public à peu près, à une sorte de monopole privé avec au bénéfice finalement d'une seule entreprise. Alors, c'est d'autant plus troublant que M. Rifai, en fait, est d'abord le fils et le petit-fils de politiciens jordaniens bien connus, respectivement ancien Premier ministre, président du Sénat, et puis également lui-même ancien ministre, il a participé à ce qu'on appelle le Diwan, c'est-à-dire finalement l'espèce de chambre des conseillers du roi. Et donc, c'est ce monsieur qui devient président d'une société qui truste en quelque sorte les participations dans le secteur électrique. Et puis, en 2009, il est appelé comme premier ministre de la Jordanie. Alors, évidemment, il se démet de ses fonctions, mais son parcours illustre vraiment la très grande proximité, finalement, entre la privatisation et le gouvernement. Et alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Première manière, c'est de dire que le gouvernement fait attention, parce que c'est un secteur très sensible, donc en plaçant quelqu'un qui lui est très proche, on s'assure que, sans doute, les canaux de communication seront aisés. Donc l'idée, c'est garder un contrôle, finalement, sur ce secteur qui est privatisé. Deuxième option, c'est aussi que, à travers cet exemple, c'est l'émergence d'une nouvelle classe de businessmen jordaniens, proches du roi, mais qui bénéficient de sa politique de libéralisation. Hein. Donc c'est l'avènement d'une nouvelle classe sociale, d'une nouvelle élite sociale. Alors, ça c'est assez intéressant à retenir comme hypothèse, notamment parce que il n'y a pas que cette nouvelle élite, il y a aussi une ancienne élite qui était présente dans le secteur de l'électricité, les anciennes... Les possesseurs des premières compagnies d'électricité qui n'avaient pas été expropriées sont aussi dans le secteur, et elles voient assez mal l'arrivée de ces nouveaux businessmen. Donc il y a une lutte interne en fait entre différentes catégories d'acteurs politiques au sein de ces bourgeoisies. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans certains pays, par contre, il y a une résistance au sein du secteur public face à la privatisation. Donc, au mois de novembre, j'étais en Tunisie, et des cadres du secteur de l'électricité tunisien, de la grande société publique d'électricité tunisienne, me disaient à quel point ils essayaient de résister aux pressions qui poussaient à la privatisation du secteur électrique, dans un contexte qu'on connaît maintenant, où cette privatisation était généralement mise en coupe réglée par les acteurs la famille ou la belle famille de l'ancien président de la République. Donc, on voit que cette privatisation donnait lieu véritablement à des luttes très importantes entre différents acteurs, et donc renvoyées aussi à différentes conceptions du rôle de l'État face à la privatisation. Alors, l'autre point qui est intéressant de souligner, qui résulte de cette nouvelle organisation du secteur électrique, c'est que face aux hausses tarifaires, à un moment donné, les États doivent se montrer prudents. Après cette première hausse que je vous ai montrée tout à l'heure, à travers le tableau que j'ai souligné, une nouvelle hausse était prévue en septembre 2009. Et au dernier moment, le roi personnellement est intervenu pour dire qu'il suspendait cette hausse, parce que le pays était plein de rumeurs, de grognements, de mécontentements à l'égard de ces hausses, dans un contexte d'inflation des matières premières, de la nourriture, etc. Et donc, le roi avait préféré couper court à cette hausse qui était pourtant très importante pour les finances publiques, plutôt que de risquer peut-être justement une révolution. Et c'est vrai que dans les autres pays, notamment l'Égypte ou la Tunisie, la question du prix des services publics fait partie des thèmes qui, de manière un peu sous-jacente, ont été mis en évidence, même si ce n'est pas les seuls facteurs. Alors, j'en viens maintenant, et ce sera ma dernière partie, à une approche plus localisée des politiques de l'électricité, en particulier en essayant de voir, en essayant de faire le lien entre ces transformations macro et ces enjeux macro que j'ai soulignés, avec notamment ce qui concerne les politiques territoriales et notamment les politiques de décentralisation qui sont présentes, qui sont menées dans certains pays. Comme la Jordanie, comme le Liban, hein. Comment est-ce que ça s'articule avec les réformes de l'électricité que j'ai évoquées, mais aussi, il faut bien reconnaître que ces politiques urbaines sont très marquées par des approches néolibérales, avec un rôle très important donné aux acteurs privés, notamment du secteur immobilier, la mise en place de nouveaux dispositifs de marché. Donc, comment cela aussi va-t-il interagir avec la question électrique ? Et puis, on peut même aller plus loin en remarquant que bien souvent, les dispositifs néolibéraux sont des dispositifs qui favorisent la clusterisation ou qui conduisent finalement à une vision fragmentée du territoire. C'est-à-dire que on va désigner certains périmètres pour, par exemple, des zones franches, pour des zones qui bénéficient d'un régime spécial pour attirer les investissements. Hein. Et donc, ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de clusterisation ou une fragmentation institutionnelle et sociale, comment est-ce quels sont les liens aussi qui s'établissent avec le secteur et les interventions dans le domaine de l'électricité? Alors, pour cela, je vais prendre trois exemples, la Tunisie, la Jordanie et le Liban. Alors, le premier, j'irai assez rapidement parce que malheureusement, je n'ai pas encore énormément d'informations dessus, c'est la Tunisie. Quelle territorialisation de l'action énergétique observe-t-on? Donc, il y a eu dans ce pays la création d'une agence nationale pour la maîtrise de l'énergie qui a mis en place des projets assez innovants, relativement couronnés de succès, en particulier comme l'encouragement au solaire thermique à travers des facilités de crédit, etc. Alors, ce programme a très bien marché. Il y a eu une forte augmentation de la part des ménages dans l'équipement en solaire thermique. De même, il y a eu aussi un encouragement qui a moins bien marché au développement du photovoltaïque. Donc, on a la politique de cette agence nationale. On a par ailleurs la société d'électricité nationale, la SEG, donc celle qui a résisté à la privatisation, qui est chargée de développer aussi des énergies renouvelables, notamment des projets éoliens, des projets solaires. Tout ceci étant supposé s'intégrer dans le cadre de ce qu'on appelle le mécanisme du développement propre, hein, c'est-à-dire les incitations à la limitation des émissions carbone dans les pays en développement. Alors par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en dépit des efforts et de discours, en tout cas, de cette agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, qui dit qu'il faut qu'elle territorialise son action, qui crée des agences locales, et qui essaye de développer ses liens avec les gouverneurs et avec les maires, on constate une très faible participation jusqu'à présent des municipalités dans la mise en place de ces programmes. Alors ça reste pour moi de premières observations, mais les municipalités ne sont pas réellement considérés comme des acteurs, ou on ne favorise pas, en tout cas, leur saisine dans le cadre de ces politiques. Donc, territorialisation de l'action énergétique en Tunisie, pour l'instant, mon constat est plutôt faible. Ce reste des acteurs centralisés et sectorialisés qui interviennent. Deuxième exemple, en Jordanie. Alors, en Jordanie, ce qu'on va constater, c'est des initiatives en plus grand nombre, souvent intéressantes, mais avec une implication locale qui est très variable selon les lieux. Alors, le cas de la capitale, Amman, est intéressant. Amman, c'est un statut curieux déjà sur le plan administratif, c'est entre une collectivité territoriale et un ministère. C'est pratiquement une gestion. Ça n'est pas véritablement une décentralisation, même si la ville a un statut particulier qui lui permet d'avoir une certaine flexibilité financière, un maire qui est quasiment le rang d'un ministre, donc qui a sa voix dans les politiques de développement. Alors, cette ville a développé depuis 3 ans toute une stratégie de green growth, donc de croissance verte, de développement urbain durable, avec notamment le développement d'un système de bus rapid transit, c'est-à-dire, donc vous voyez, on va faire un bus en site propre, en fait, donc qui est évidemment à la fois un moyen de décongestionner la ville, mais aussi une manière de mettre en avant un mode de transport écologique. Par ailleurs, différentes initiatives sont prises, telles que la méthanisation des déchets, qui va permettre une génération électrique à partir des déchets. Et puis, il y a un ambitieux programme d'économie d'énergie qui est lancé également pour l'éclairage public ou pour la substitution d'ampoules. Donc, on voit que cet acteur municipal d'Amman fait preuve de beaucoup d'initiatives. C'est assez récent, mais ça a l'air assez effectif aussi. On peut comprendre ce développement comme une conséquence, une résultante du très fort soutien qu'a reçu cette ville de la part d'institutions internationales, notamment la Banque mondiale, qui a donné beaucoup d'argent depuis plusieurs années, ce qui a permis notamment de favoriser l'émergence d'une expertise locale, privée, mais directement liée en fait à la municipalité, une sorte d'agence d'urbanisme, pour parler en termes français, qui joue un rôle important de prospective et de conseil dans ce domaine. Donc, Amman apparaît comme un exemple assez intéressant, qui développe ses propres capacités d'expertise, qui développe, enfin, grâce au soutien international, qui bénéficie de nouveaux moyens. Et bon, cette stratégie de développement durable est certainement un des résultats de cette stratégie. Alors par contre, dans deux autres exemples sur lesquels j'ai pu travailler en Jordanie, on ne retrouve pas du tout ça. Je dirai plus vite. Mais l'exemple d'Irbid est assez frappant. C'est la deuxième ville de Jordanie, 5 à 600 000 habitants. Dans cette ville, la société d'électricité, qui était traditionnellement une société d'économie mixte, qui était fortement ancrée dans le territoire local, dont l'actionnariat en particulier était composé de la municipalité et de familles locales, et puis pour une autre part de l'État, bon, ben, cette société a été privatisée, c'est à l'État a vendu toutes ses parts, et du coup, on assiste à un face-à-face aujourd'hui entre l'acteur privé dont j'ai parlé tout à l'heure et la municipalité. Et du coup, un certain nombre de contentieux surgissent avec la municipalité concernant la gestion de l'électricité, notamment des conflits sur des terrains, des conflits concernant l'organisation de travaux dans la ville. Bon, c'est des petits conflits en fait, hein, mais qui témoignent de nouvelles relations qui sont particulièrement difficiles entre la municipalité et cette société privée. Et puis, par contre, dans le même temps, le budget municipal subit à plein la hausse des dépenses qui sont liées à l'électricité. Et du coup, on voit bien que cette municipalité d'Irbid n'a pas du tout les mêmes moyens que Amman, se retrouve un petit peu marginalisée, coincée, contrainte par la nouvelle situation de privatisation et de hausse des prix. Donc, on a là l'exemple d'une municipalité qui est plutôt marginalisée, qui est plutôt contournée. Alors, le deuxième exemple, c'est Man. Dans le sud jordanien, alors c'est une toute petite ville, enfin 60 000 habitants, qui, comme c'est situé en plein désert, un endroit qui est très bien ensoleillé, on a décidé, le gouvernement jordanien a décidé d'en faire un hub solaire, donc l'idée de développer des usines comme celles que vous voyez là en photo, hein, c'est-à-dire un système de ce qu'on appelle centrale solaire à concentration thermique ou centrale solaire à photovoltaïque. Donc, avec l'idée de faire de très grosses centrales. Et pour cela, le gouvernement jordanien veut utiliser un système qu'il a codifié sous le terme de loi pour les zones de développement, qui est un régime dérogatoire au régime d'urbanisme et du travail habituel. Hein, donc, ça consiste finalement à alléger considérablement les contraintes légales d'urbanisme, sur le travail aussi, on n'a plus de taxes, on a beaucoup moins de taxes. C'est un one-stop-shop, donc une procédure qui fait que les formalités pour les entreprises seront considérablement facilitées. Et alors, la conséquence de ce système, qui pour l'instant, donc, on assiste à des négociations entre le gouvernement et des entreprises privées, mais la conséquence, c'est que la municipalité, qui est normalement élue, hein, Jordanie, est complètement marginalisé et on a l'impression que, et le maire s'en plaint amèrement en disant mais enfin, j'ai rien à dire sur ce projet qui doit être implanté sur ma commune, je n'ai strictement aucune voix au chapitre, je ne suis même pas au courant de l'avancement des projets, donc on assiste à travers cet exemple-là finalement à une véritable marginalisation de la municipalité locale. Alors, il faut dire, c'est que dans l'exemple de Man, ça s'explique aussi par le fait que Man est une ville où il y a eu, donc c'est une ville bédouine, comme on dit, c'est une ville où les bédouins ont été sédentarisés depuis 30 ans, et traditionnellement, depuis autant d'années, c'est une ville qui est assez pauvre et qui se rebelle facilement. Et donc il y a eu plusieurs fois des rébellions, des émeutes, et du coup, ça s'explique aussi sans doute par ce contexte politique, ce contrôle par l'État. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire c'est véritablement une marginalisation, en tout cas des instances locales. Alors le dernier point que je voudrais, le dernier exemple que je voudrais prendre, c'est le Liban, avec ce que j'appellerais, à travers les politiques de l'électricité, les politiques locales de l'électricité, une dynamique d'informalisation et de singularisation territoriale. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je m'intéresse particulièrement à la régulation des générateurs électriques. On constate que l'État, tolère le secteur des générateurs électriques, parce qu'il ne peut pas faire autrement. De toute façon, il apporte l'électricité, il apporte pas assez d'électricité. Donc, il ne peut pas interdire les générateurs, qui sont des solutions que les habitants ont mis en place pour répondre à leurs besoins. Mais par contre, ce secteur des générateurs, qui c'est très important, hein, ça représente 38% de l'électricité qui est produite dans le pays, des générateurs. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune réglementation concernant la pollution, concernant la qualité de l'électricité qui est fournie, concernant le prix de cette électricité. Donc, évidemment, les consommateurs sont placés un petit peu face à l'arbitraire dans la gestion de leurs relations avec ces petits producteurs d'électricité. Qui peuvent, si le producteur décide de ne pas réparer sa machine, mais de continuer à prélever les abonnements, par exemple, de toute façon, on ne peut pas se retourner contre lui, on ne peut pas aller au tribunal. Tout ça, c'est complètement informel. Donc, il y a un problème de gestion. Alors, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, depuis quelques années, ce sont les municipalités au Liban qui sont en train de s'impliquer dans la gestion de ce secteur, mais de s'impliquer d'une manière particulière, parce que, comme le secteur n'existe pas officiellement, la municipalité... de fait, s'informalise et développe des relations informelles avec ces acteurs informels. Alors, dans le cadre de ces relations informelles, ce qu'on constate, c'est que finalement, ce sont les canaux politiques traditionnels dans les municipalités qui sont particulièrement impliqués dans la gestion de ce secteur des générateurs, et notamment des pouvoirs locaux miliciens. Alors, par exemple, à Borjamoud, ville sur laquelle a travaillé une étudiante de master sous ma direction l'année dernière, Pauline Gabillet, elle a montré que la municipalité, enfin en fait le président de la municipalité, qui est un cadre d'un parti arménien, le Tachnak, qui est très implanté dans cette commune, joue un rôle vraiment d'arbitrage entre les différents producteurs de générateurs, notamment en s'assurant qu'il y ait le moins de recouvrement possible dans l'implantation et la desserte de ces générateurs, hein, c'est ce que montre cette carte. Donc finalement, on organise des petits monopoles locaux, et non seulement on organise des petits monopoles locaux, mais la municipalité régit les lieux de passage des fils électriques, qui constituent une forte nuisance. Et puis, d'autre part, la municipalité essaye aussi de régir le prix. Elle organise chaque semaine une réunion avec les propriétaires de générateurs, alors qui est une négociation un peu difficile, et puis ils essayent de fixer un prix et d'empêcher que tel ou tel producteur d'électricité facture trop cher son électricité aux habitants. Donc ça, c'est un premier exemple de régulation par les municipalités, mais on voit bien que ça se fait dans le cadre, finalement, d'un pouvoir local qui est informalisé et où, finalement, les pouvoirs locaux traditionnels, donc là, en l'occurrence, miliciens, dans d'autres coins, ce serait plutôt des pouvoirs confessionnels, qui jouent un rôle majeur dans la mise en place de ce système. Alors, il y a d'autres cas où on a une variante plus capitaliste de ce développement local. Par exemple, Jbeil, qui est une ville moyenne libanaise, située sur le littoral. Alors, Jbeil est une ville particulière parce que, du point de vue de l'électricité, on y trouve une société de distribution électrique privée. Et ce n'est pas la société nationale qui gère ça. Alors, ce qui s'est passé dans cette ville, c'est que le maire a demandé à l'entrepreneur privé qui gère par ailleurs la distribution électrique de mettre en place des générateurs et de prendre le monopole de la distribution électrique par générateur localement, en disant que les autres petits générateurs travaillaient mal, etc. Et du coup, on a une alliance entre un pouvoir politique local et une entreprise, qui est quand même une entreprise assez importante, qui est une entreprise qui originellement est dans le secteur formel, mais qui vient développer son business en prenant le monopole dans le secteur informel. Donc c'est une dynamique capitaliste assez, assez intéressante. Et puis alors, ce que dit aussi cette situation, c'est qu'il n'y a pas une commune ou un lieu au Liban où on a la même situation. Chaque fois, c'est d'abord de nouvelles relations, et du coup, c'est pour ça que je parle de singularisation territoriale. Il n'y a pas du tout un schéma commun qui apparaît, mais de multiples voies, de multiples arrangements qui sont variables sur le territoire et sans doute d'ailleurs variables dans le temps. Alors, le dernier exemple que l'on peut mentionner ici au Liban, j'ai mis ça, c'est une couverture de journal que j'ai trouvée il y a 3 jours, une petite ville du sud Liban qui, par l'intermédiaire de son maire, prend l'initiative de développer des panneaux solaires et ils ont, donc ça c'est pour le chauffage de l'eau, donc c'est du chauffage thermique, hein, solaire thermique. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est assez intéressant parce que ça montre que justement, un acteur municipal, parce qu'il a envie, parce qu'il a trouvé peut-être quelques financements, développe ça en dehors de tout cadre, de tout cadre de subvention, de toute politique nationale, comme on aurait par contre dans l'exemple tunisien. Donc, là aussi, ça contribue à cette logique de singularisation territoriale. Alors, pour conclure et pour terminer cette présentation, je dirais que dans cette recherche, ce que j'essaie de faire, c'est bien d'aller derrière les questions techniques ou les questions économiques, qui sont d'habitude les principales voies d'entrée sur les enjeux énergétiques, pour essayer de comprendre finalement quels sont les enjeux sociaux qui sont derrière ça, et puis finalement aussi pour mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler comme de nouvelles grammaires de l'action publique à l'échelle locale en particulier. Et un des enjeux que je mets particulièrement en évidence, c'est notamment dans un cas comme le Liban, mais même dans l'exemple jordanien que j'ai mis en évidence, on voit que dans ce contexte néolibéral, on a une grande diversité des situations locales, et on est bien en peine de retrouver un modèle unifié d'action. Et on a plutôt une variété de territoires qui se juxtaposent, d'une variété de régulations territoriales qui coexistent, et qui conduit finalement à une sorte d'émiettement des territoires. Des territoires. Voilà. Donc c'était un petit peu le point de vue final sur ces territoires de l'électricité. Des questions, des échos par rapport à ce que vous pouvez aussi constater peut-être ici. Oui. Alors, je pense qu'il faut bien distinguer le cas extrême du Liban des autres situations. Alors, dans le cas libanais, c'est évident que des entreprises internationales n'ont pas beaucoup d'intérêt à y aller parce que c'est un petit marché et que d'autre part, l'instabilité politique est telle que, effectivement, c'est plutôt le risque de perdre de l'argent est important. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que EDF ou Areva ne sont pas présents au Liban. Mais je pense qu'ils s'assurent, ils prennent des garanties très importantes et ils y vont plutôt dans des logiques de contrats de service plutôt qu'avec l'idée de construire des usines, par exemple. Alors, en revanche, dans les autres pays, on peut tout à fait avoir la présence et l'intérêt des grandes entreprises internationales, qu'elles soient françaises ou autres. Par exemple, en Jordanie, les associés de la fameuse entreprise Jordan Dubai Capital dont j'ai parlé sont, de manière assez intéressante, non pas des entreprises européennes, mais des entreprises malaisiennes et koweïtiennes, mais du secteur électrique, Hein, donc ils voient dans la Jordanie, qui est un pays stable, où le gouvernement, en plus à travers ses politiques de privatisation, promet des taux de rémunération qui sont très attractifs. Du coup, voilà, ces entreprises se sont présentées sur ce marché. Donc oui, absolument. Et je pense que on va assister dans les années prochaines à un intérêt soutenu pour ces marchés-là de la part des grandes entreprises. Je pense que déjà pour le nucléaire, bon, là, il y a un très fort intérêt de la part des entreprises françaises, des entreprises canadiennes, japonaises, coréennes, et également russes, qui sont présentes pour développer des centrales nucléaires. Donc, ils sont en compétition en Jordanie, ils vont être en compétition en Égypte, parce qu'en Égypte, il va y avoir un appel d'offres pour développer aussi une centrale. Enfin, il devait y avoir, alors, je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer maintenant, mais la construction d'une centrale nucléaire était prévue en Égypte, là, sur le littoral, à l'ouest d'Alexandrie. Le site avait été choisi et ils avaient des cahiers des charges, ils devaient ouvrir l'appel d'offres. Donc je pense que pour ces entreprises du nucléaire, oui, il y a un intérêt. Et je pense que d'autres marchés, dans les pays du Golfe par exemple, ces entreprises européennes sont très présentes, en concurrence aussi avec les Coréens. Donc oui, il y a un intérêt. Alors, pour répondre tout d'abord sur cette municipalité de Borj Hamoud, donc qui est une municipalité qui est un peu particulière au Liban, parce que c'est le lieu de concentration des populations arméniennes à partir des années 20. Hein, ça a été l'un des camps, ou le principal camp de réfugiés arméniens. C'est situé dans la banlieue de Beyrouth, à l'est de Beyrouth. Donc c'est aujourd'hui une municipalité dont la population atteint à peu près 100 000 habitants. Hein, donc c'est une grosse municipalité de banlieue. Alors, politiquement, comme c'est le lieu des camps de réfugiés arméniens, c'est là que la population arménienne s'est inscrite. Et au Liban, il y a une particularité, c'est-à-dire que les gens, même s'ils déménagent, ils restent inscrits au lieu de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc ça veut dire que c'est un bastion politique très, très fort. Et les voies arméniennes, elles sont là. Elles servent dans le cadre d'échanges clientélistes au niveau sur la scène nationale. Dans les alliances, elles servent à faire élire un ou plusieurs députés de cette région. Donc elles sont très importantes sur le plan politique. Ça veut dire que les leaders de la communauté arménienne, qui en fait sont les leaders du parti Tachnak, disposent sur le plan national d'un impact assez fort grâce à ce réservoir de voix. Donc c'est un premier élément qui permet de bien comprendre la particularité de cette commune. La deuxième chose, c'est que ce parti arménien exerce sur le territoire local un contrôle qui est, on pourrait dire, d'ordre milicien, pour aussi dire d'ordre mafieux, c'est-à-dire que les activités économiques sont sujettes à une dîme ou à des prélèvements, et donc ne peuvent pas résister. Et en l'occurrence, dans le cas des acteurs qui produisent de l'électricité sur ce territoire, ce ne sont pas des Arméniens. Alors, Je veux dire que pour eux, d'autant plus, c'est important d'avoir l'acquiescement des municipalités, sinon, il va y avoir un phénomène d'exit, c'est-à-dire que le pouvoir local va dire aux habitants, vous arrêtez de payer. Il y a moyen de faire pression dans le cadre c'est particulier, de la politique locale libanaise, avec des gros bras, avec un système comme ça, où finalement, la police nationale ne va pas, c'est laissé à une gestion locale. Et du coup, ils sont en position d'imposer un certain nombre de conditions et d'avoir un poids très fort. Et du coup, on voit bien que les autres n'ont pas le choix que de rentrer dans une négociation, une régulation avec la municipalité. Mais évidemment, c'est une situation un petit peu particulière parce que toutes les municipalités libanaises ne sont pas caractérisées de la même manière par une hégémonie politique comme ça. On va retrouver ça peut-être dans certains quartiers, par exemple, qui sont sous la coupe du Hezbollah. On pourrait éventuellement trouver des conditions qui seraient propices à ce type d'organisation. À ma connaissance, ce n'est pas vraiment le cas. Curieusement, les municipalités qui sont gérées par le Hezbollah ne sont pas aussi mises en coupe réglée que dans ce cadre-là. Mais ça mériterait peut-être un peu plus d'études de terrain. Ce que j'en dis, c'est uniquement quelques informations glanées, ça et là. Alors, concernant la différence finalement dans la manière dont cette territorialisation de la question énergétique est vécue entre le Liban et d'autres situations, je crois vraiment que sur le plan technique, la situation libanaise est vraiment terrible. Et on n'a pas, à part peut-être en Irak, l'équivalent ailleurs. Donc, forcément, ça fait que on ne peut pas attendre le même degré de politisation de cette question-là ou de confessionnalisation dans d'autres contextes. Là, dans les cas libanais et irakiens, il y a clairement une articulation entre la mauvaise répartition, l'inégale répartition de l'électricité et les territoires confessionnels et aussi politiques. Et du coup, c'est ça qui est propice à cette construction particulière de la question électrique comme un problème politique national. Et par exemple en Jordanie, on ne va pas du tout retrouver cette même inégalité territoriale. En Tunisie non plus. Du coup, ça explique, je pense, cette particularité de la situation dans ces deux cas par rapport au reste. Voilà. Du coup, dans les deux cas que j'ai mentionnés, la Tunisie et la Jordanie, on voit bien que, en fait, mon hypothèse d'une territorialisation particulière de la question électrique est plus difficile à mettre en évidence. Et du reste, j'ai dû en passer par d'autres. Alors qu'au Liban, je me suis directement intéressé à la question de la distribution, parce que c'est ça qui était flagrant. On voit bien qu'en Jordanie, je me suis intéressé à une question concernant l'implantation d'une centrale électrique. Je me suis intéressé à la participation de la municipalité dans des négociations, mais qui n'ont pas à voir vraiment avec la répartition ou l'accès à l'électricité. C'est plutôt la gestion de l'électricité au quotidien. C'est pas exactement les mêmes enjeux. Parce que finalement, cet enjeu de la distribution est beaucoup moins fort en Jordanie. Encore plus en Tunisie, où ils n'ont pratiquement pas de problème, enfin ils n'avaient jusqu'à présent pratiquement pas de problème de coupure. Les collectivités abondante et qu'il habite là, et qu'on essaie justement de diminuer la facture énergétique, que les collectivités doivent avoir un impact important sur le secteur énergétique, plus que sur le côté. Oui. Alors, c'est une remarque intéressante. Je crois que bon, il faudrait pas forcément aller trop vite. Et dans certains cas, on va trouver des municipalités qui sont impliquées dans la production et la distribution. Par exemple, en Palestine, les grandes municipalités comme Naplouse sont des acteurs très importants dans le domaine électrique. Et finalement, aujourd'hui, alors, ce serait aussi le cas si on prend par exemple les pays du Golfe, les différents, dans les Émirats Arabes Unis, chaque cité-État, en quelque sorte, a une compagnie d'électricité propre. Hein, et bon, ce n'est pas des municipalités, mais c'est vrai qu'on est aussi très proche de la. Il y a une gouvernance urbaine qui est aussi, du coup, une gouvernance de l'énergie, et qui est même très importante dans le cadre de ces pays. Donc je pense qu'il ne faut pas évacuer trop vite quand même l'hypothèse que ces municipalités ou ces acteurs, ces gouvernements locaux ont un rôle à jouer dans ce secteur-là. Mais en revanche, je vous retrouve assez volontiers sur l'idée qu'il faut s'intéresser aussi à la question de l'urbanisme et des transports, parce que c'est un des enjeux importants. Alors, il faudrait pouvoir il y a quand même une autre chose à dire sur le rôle des municipalités et du secteur bâtiment, c'est qu'on est quand même dans des pays où la croissance urbaine continue à être relativement forte, hein, on construit beaucoup, donc construire par exemple des bâtiments qui respecteraient des mesures d'économie d'énergie, qui seraient économes en énergie, etc., pourrait avoir un impact fort. Hein. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il vaudrait mieux avoir, s'il vaut mieux que la construction soit régulée par des administrations de l'urbanisme et des codes de l'urbanisme qui soient nationaux, ou si parfois une participation des acteurs locaux pourrait améliorer les choses. Alors, je cite un exemple, par exemple Man, donc cette ville du désert, où la vieille ville, traditionnellement, était construite en murs, soit de pierre, soit de pisé. Enfin, en tout cas, il y avait un savoir-faire traditionnel pour maîtriser relativement les températures intérieures, à la fois en jouant sur les circulations d'air et puis à travers les matériaux. Bon. Aujourd'hui, dans cette ville, bon, qui connaît un développement très rapide, on ne construit plus qu'en béton. Alors le maire me disait, oui, bon, ben, c'est catastrophique, justement, nous savions. Alors, lui, il mobilisait ce discours et il disait, nous savions, nous étions les vieux citadins, les bédouins, mais nous savions maîtriser ça. Aujourd'hui, on nous impose des nouveaux modes de construction qui ne sont plus efficaces. Alors, moi, je n'étais pas très convaincu par ces remarques, mais en même temps, ça nous montre bien que, après tout, La manière de construire l'habitat pourrait être, et notamment en impliquant les municipalités, à supposer qu'elles soient dépositaires d'un certain savoir-faire, ou qu'elles puissent elles-mêmes mobiliser le savoir-faire ancien de leurs habitants pour construire d'une manière plus écologique. Et on peut se demander s'il vaut mieux en passer par des régulations nationales qui déterminent aujourd'hui le Green Building Act, etc., qui détermine finalement des réglementations qui sont très, très complexes sur le plan technologique. Est-ce qu'il n'y a pas, en alternative à cette approche-là, des savoir-faire à mobiliser? Bon, je ne sais pas, hein, je ne suis pas forcément très convaincu, mais il me semble que c'est quand même une question qui pourrait être posée. Donc, là aussi, on n'est pas encore dans le domaine du transport. Alors, par contre, il est certain qu'on peut faire l'hypothèse que une meilleure maîtrise de l'urbanisme et de l'étalement urbain permettrait de faire des économies d'énergie au niveau des transports. On pourrait aussi envisager, donc, comme ils le font à Amman, un système de sites propres, éventuellement d'ailleurs en utilisant des carburants qui émettent moins d'émissions, etc. Alors, c'est sûr. Bon, d'un autre côté, en fait, je trouve que quand on lit les débats en en Europe sur la question de la maîtrise de l'étalement urbain comme manière de répondre aux émissions, eh bien, les chercheurs ont des points de vue un peu critiques. C'est-à-dire que, bien sûr, a priori, limiter l'étalement urbain, c'est mieux pour limiter les émissions. Mais d'une part, il a été montré que les habitants des centres-villes, qui évidemment n'ont pas de voiture, donc ils émettent très peu de gaz à effet de serre dans leurs déplacements, sauf que on se rend compte que quand on analyse toute leur mobilité, ce sont eux qui partent le plus en avion, c'est eux qui partent en week-end plus loin, et il paraît que le bilan total montre que finalement ce sont ces gens-là qui émettent plus de gaz à effet de serre que les périurbains qui en fait sont tellement de toute façon coincés qu'ils ne peuvent même pas partir à Ibiza en vacances, etc. Donc finalement, c'est pas si sûr que c'est un premier argument que la maîtrise de la ville dense favorise ou limite les émissions. Et en tout cas, c'est pas le seul paramètre, c'est peut-être un peu trop simpliste de penser ça. Deuxième élément qui va peut-être un petit peu dans le même sens, c'est que finalement, les sociétés urbaines qui se caractérisent par un développement du double salariat, des complexités des pratiques de déplacement pour les achats ou pour la scolarité, finalement, font en sorte que c'est très difficile de vraiment limiter les déplacements. Et c'est-à-dire là encore, il ne faut pas penser uniquement déplacement domicile-travail périphérie vers le centre, mais penser une diversité de déplacements. Et en réalité, il est très difficile d'imaginer un urbanisme qui minimise tous les déplacements. Et donc, même si on relocalise vers le centre une partie des logements, ça n'empêchera pas que, en fait, par exemple, deux conjoints travailleront à deux côtés de l'agglomération et qu'on ne trouvera pas vraiment un point idéal qui permettra de limiter complètement leur déplacement. Du coup, bon, l'approche en termes de... Alors ça, ces réflexions, elles viennent de travaux critiques qui sont aujourd'hui menés sur l'idéologie de la ville dense, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut les transposer sur nos villes émergentes, mais ça doit nous inciter en tout cas à une certaine prudence et à se dire que l'outil transport, l'outil urbanisme dans ces perspectives-là ne sont pas forcément des absolus. Et au contraire, on va de toute façon vers des villes qui sont plus automobilisées et plus le niveau de richesse augmente et plus cette mobilité individuelle augmente. Donc malgré tout, il va falloir faire avec. Certains chercheurs disent même que la principale source d'économie d'émissions, en tout cas, c'est l'amélioration des moteurs, l'amélioration des dépôts d'échappement, etc., plus que la limitation des transports. Quoi. Je dirais que je suis aussi dans une phase initiale de ce travail. Un des problèmes, c'est que les informations sur les gaz à effet de serre supposeraient des enquêtes très importantes. Elles n'existent pas en tant que telles. Hein. Donc, partir de la question énergétique, c'est un peu plus basique, mais c'est un peu plus facile aussi. Enfin, en tout cas, l'accès aux données est un tout petit peu plus aisé. Donc, c'est certainement un des facteurs d'explication. Deux petites questions. peut-être la première, c'est de revenir un peu sur les pays producteurs, producteurs de pétrole. Oui. Et vous dites qu'ils sont aussi, ils aussi des coupures d'électricité, donc ça me semble d'ailleurs. C'est la plupart des pays que vous avez étudiés, leur source d'électricité venait de la combustion soit de l'hydrocarbure oui. ou du gaz naturel. Oui. La partie hydroélectrique était quand même moins fine, la partie nucléaire était moins fine. Bien sûr. Les pays producteurs devraient être les premiers à pouvoir. Oui, mais ils ont deux problèmes. Le premier, c'est que comme leur croissance de consommation va très très très vite, ils n'arrivent pas à suivre d'un point de vue logistique derrière. C'est-à-dire que il faut construire des usines, ça coûte très cher et ça met du temps. Donc le problème, il est là. C'est un problème de suivre le rythme. Il faut développer sans arrêt des nouvelles capacités de production. Alors là, on voit qu'Abu Dhabi va avoir une centrale nucléaire. Enfin, ça commence tout juste, le chantier. Hein, puisque l'appel d'offres a été passé, c'est les Coréens qui ont gagné contre les Français, justement. Il va falloir 10 ans pour construire cette centrale nucléaire. Donc déjà, avant qu'ils aient leurs 1000 MW, si ça se trouve, leur croissance aura largement dépassé les 1000 MW en question. Donc ils sont obligés de construire sans arrêt des usines à charbon, des usines à gaz. Ils développent donc aussi, on a des projets solaires qui sont très importants, mais voilà, il faut suivre le rythme, mais c'est vraiment particulièrement compliqué. Un des pays qui est les plus touchés de ce point de vue-là, c'est Koweït. Ils ont vraiment beaucoup de coupures électriques. Ça fait d'ailleurs des scandales. C'est un exemple de question politique ouverte autour de l'électricité, c'est Koweït. Mais ce n'est pas sur les mêmes bases sociales que dans les pays divisés comme le Liban ou l'Irak. Hein. La deuxième chose, c'est que les populations sont globalement tellement aisées que... Et en plus, les prix d'électricité sont tellement bas, en général, parce qu'il reste un subventionnement très important, que du coup, l'incitation à consommer moins ou à faire des économies d'énergie est vraiment faible. Et du coup, ils ont beaucoup de mal à mobiliser les habitants. Il y a un gaspillage énergétique et électrique en particulier qui est très important dans ces pays du Golfe. Là, c'est vraiment la vie des pays ultra riches. Hein. Et quand on regarde d'ailleurs les émissions par tête, les pays du Golfe sont les premiers du monde en fait, hein, à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils se lâchent complètement. La climatisation à haute dose, l'automobilisation à haute dose sont très fortement consommatrices. Il n'y a aucune incitation financière pour les habitants à consommer moins. J'ai une deuxième question à porter justement sur le subventionnement. C'est-à-dire que la Jordanie dont vous parliez, du roi qui avait refusé la hausse du prix d'électricité. Il y a quand même une État, quelle qu'elle soit, au niveau individuel, au niveau municipal, au niveau national, qui doit endosser, disons, le rôle de tampon entre l'augmentation des matières premières, des hydrocarbures. Et le prix au consommateur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, l'inflation est supportée de façon directe ou indirecte. Il suit le cours du prix du pétrole, en gros. Et jusqu'à arriver à des situations extrêmes comme entre Israël et Palestine, où s'il y a des faux paiements, on coupe les courants. Le courant, donc, quel est ce rapport justement de dépendance entre les pays justement qui importent la majorité de leur pétrole et ces pays producteurs justement dans leur... Est-ce qu'il y a ce rôle de dépendance et jusqu'à quel point justement ça peut créer des tensions entre les producteurs et les consommateurs et les marchés? Oui, bon, alors l'exemple de la Jordanie est un bon exemple parce qu'en fait la Jordanie, jusqu'en 2003, ils avaient leur pétrole quasiment gratuit. C'était du troc avec les Irakiens. En gros, les marchandises venaient en Irak en passant par Aqaba, tout un tas de systèmes de troc, de contrebande et tout, et en échange, les Jordaniens avaient accès à un volume de pétrole gratuit. Donc forcément, quand on sort du pétrole quasiment gratuit, comme dans le cas de la Jordanie ou comme dans le cas des autres pays, et qu'on se retrouve soudain au marché mondial, ou en tout cas, des hydrocarbures chers, il y a une marge de manœuvre, qui est, enfin, un passage qui est très difficile, hein, et du coup qui est ressenti par les citadins. Du coup, surtout que dans le même temps, eh ben, les citadins, ou les citoyens en général, avaient été incités à s'équiper en voiture. Bon, l'essence ne coûtait pas cher, donc bon, bah, même si ça coûtait cher d'importer une voiture, ça ne coûtait pas cher d'en avoir. Bon, du coup, les gens avaient des fans et des airs conditionnés. Et voilà, et du coup, comme vous dites, le retour est particulièrement douloureux, quoi. Et surtout qu'on est dans un contexte de forte inflation, non seulement du pétrole, mais aussi des autres produits de première nécessité, hein. Donc oui, il y a une contradiction là qui est très frappante. Et c'est vrai que les conditions des relations politiques qui peuvent exister entre des pays, disons, vendeurs et les pays acheteurs dans le monde arabe peuvent rendre plus difficile encore ce passage. Parce qu'ils sont précisément, ils rendent ces petits pays producteurs, consommateurs, un petit peu rentiers, en fait. Ils sont dans une logique de rente. Vous avez parlé de Oui, bon, alors là, la décentralisation énergétique, en réalité, on en a peu d'exemples dans les cas que j'ai mentionnés. Hein, essentiellement, c'est à travers le développement des panneaux solaires, et notamment des panneaux solaires thermiques, qui permettent d'avoir l'eau chaude. Alors, on assiste aussi un petit peu il y a quelques endroits, notamment dans des coins isolés en Jordanie, dans le désert ou dans des parties assez éloignées, où on développe des éoliennes qui desservent juste un village ou une exploitation, par exemple. Mais c'est vrai que c'est assez faible. Alors, quand il s'agit d'alimenter juste quelques maisons ou juste une unité, ça coûterait trop cher d'acheminer le réseau. Donc là, c'est pas le coût de transport qui coûte cher, qui est à prendre en compte, c'est simplement le coût de construction du réseau. Hein. Pour les coins à faible densité, très éloignés, donc c'est ça qui joue. Alors, voilà, la question de la décentralisation énergétique, c'est un thème qui est très fortement mis en évidence ici en particulier, ou dans des pays comme l'Allemagne, à travers des initiatives municipales qui conduisent à développer des fermes d'éoliennes, des choses comme ça. Donc c'est un peu sous cet angle-là que la chose est appréhendée chez nous. C'est-à-dire qu'on localise près de chez nous des sources d'énergie, bon, aussi des centrales qui sont basées sur la méthanisation des déchets. Hein. Mais en tout état de cause, ça n'est pas une véritable décentralisation. En tout cas, on n'est pas en dehors du réseau, dans la plupart des cas. Contrairement à ces quelques exemples que je donne dans des coins paumés de Jordanie où on a des éoliennes, il s'agit juste d'avoir une force d'appoint sur le réseau. L'idée, c'est de transformer la municipalité en un petit producteur énergétique. Bon, on se dit que l'électricité qu'on consomme est produite près de chez nous. En réalité, ça ne veut rien dire. Dans un réseau électrique, l'électricité, on ne sait pas d'où elle vient, elle n'a pas d'origine, puisque c'est pas comme ça que techniquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on alimente le réseau. Voilà, c'est vrai que la thématique de la décentralisation énergétique, c'est une thématique qui joue un peu sur une utopie politique, mais on est plus dans un registre de discours que de réalité sur le plan technique. Comment ? Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est pas... C'est pas un domaine où c'est si évident que ça, en fait. Bon, mais par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut éventuellement, en relocalisant des ressources, éviter des contraintes de style dépendance, comme on vient de parler. Par exemple, si la Jordanie développait une forte capacité de production à travers le solaire, bon, on pourrait imaginer que c'est une manière de perdre sa dépendance à l'égard de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, ou des autres pays, ou en l'occurrence actuellement de l'Égypte, qui lui donne du gaz naturel. Et c'est vrai que ça pourrait être utile. C'est d'ailleurs un des arguments qui est mis en avant par les Jordaniens pour développer du solaire, mais aussi du nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est chez nous. En plus, les Jordaniens produisent de l'uranium. Voilà. Donc, on peut aussi invoquer la décentralisation énergétique pour construire des centrales nucléaires. fond, il y a un petit peu de phase dans lequel on peut si. Continuer un peu à discuter. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos questions qui étaient très intéressantes.